Les familles des compatriotes coréens d'outre-mer ayant rapport avec les grands leaders ont visité le 21 décembre le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang. Elles ont visité aussi le palais des sciences et techniques, l'usine des produits alimentaires pour enfants de Pyongyang, le club d'équitation de Mirim et autres endroits.